Mon équipe est massive, un peu comme les gommis. C'est notre hégémonie. Quand on est maître de cérémonie, c'est un carnage qui veut baiser mon lit. Moi je mange du poing, pas du pepperoni. Soit, check la money. Clash et j'arrache à la tchekinoni. Yo mon comoni, ils veulent démolir. J'essaie de construire, ils me calent des mots là. Dégrader mon art, j'ai pas des mentir. J'ai brisé des keufs et j'ai fui leur emprise. J'ai blessé des refs et j'ai pris des yankees. Moi j'ai mes jambes ta meuf et j'ai pris ton empire. Qui m'empêche de parler, oui c'est facile, nous on veut des actes. Qui m'empêche m'empêche de la marcher dure. Qui m'empêche qui m'empêche, qui m'empêche allumer la concu. Qui m'empêche, qui m'empêche dépouiller ses rappeurs. Qui m'empêche, qui m'empêche ambiancer la street. Qui m'empêche, qui m'empêche NASA le king qu'on l'empêche. Pour vous et nous, il n'y a pas lien. NASA et que...